Vous pouvez réécouter cette émission ainsi que consulter la liste de toutes les chansons jouées via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Bonjour, chers auditeurs de La Marge. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolene Ruet jusqu'à 4h. Critique de Crowd, ben oui, je critique les foules, je vais voir les spectacles, j'y assiste tout comme toi, Crowd. J'apprécie ta présence parce que ça amène bien cette portion humaine qu'on a de besoin pour apprécier le spectacle live. Oh, parfois tu seras absent et je vais le sentir cette semaine parce que j'aurais été très, très aventureuse en ce spécial Pop Montréal. Et oui, j'ai vu quand même beaucoup de shows, beaucoup d'artistes, je sais pas si je pourrais dire spectacle, parce que des fois j'assistais à un seul groupe dans une salle et j'ai butiné ici d'une salle à l'autre durant les festivités de pop. Et il va en avoir pour toutes les couleurs, autant musicalement que question Crowd. Oh oui, vraiment. c'est assez généreux question groupe cette semaine, parce que j'ai vu Will Star, j'ai vu The Baggage Yo, je suis allée voir Belle Game, oh mon Dieu, j'ai vu Lucius P. Thundercat, King Woman. J'ai vu aussi, oh mon Dieu, les sommités du reggae de Mighty Diamond. Écoute, je me suis aventurée, mais complètement dans pop. Alors, c'est à suivre tout le long de l'émission. Et sinon, ben écoute, Crowd, habitué de la station, ben je le sais que tu m'écoutes dans différents lieux. Et la semaine dernière, en terminant mon émission, il y a quelqu'un qui m'a salué en disant que lui, il m'écoutait dans son autobus de la STM. Si je me trompe pas, c'est la 33 de Lorimier. J'ai quasiment envie de la prendre, mais je peux pas comme prendre l'autobus puis animer à radio. Mais je suis quand même heureuse que mon rire hante un autobus durant l'après-midi. Surtout parce que les autobus de ville, il me semble que j'adore ce moyen de transport, mais c'est plutôt silencieux. C'est crowded, mais il y a peu de son. Tu sais, quand il y a de la musique, on sent que c'est à la discrétion du conducteur. Alors, je te remercie de ton écoute, cher chauffeur d'autobus. Et juste pour toi, ben écoute, je te fais un beau spécial. Deux chansons qui parlent d'autobus, de Rouge Pompier et des Connards à l'Orange. Yeah! Rappelle-moi, Jess Feuch. Rappelle-moi, pourquoi t'es pas dans l'autobus? Rappelle-moi, Jess Feuch. Hey, Jess Feuch. Encore. Rappelle-nous, pourquoi t'es dans le port d'amour? Rappelle-moi. semaine. Toi, lève pas ton boucher, ça tirait. J'ai justement un lacet slack. Fait que je me penche pour voir du liquoir. La réponse arrive comme une claque. Un écrivain reste dans le temps baisse. M'indique que t'as un petit quelque chose. Le vieux barbu triste qui croyait au Christ. Fait que je m'imagine plein de belles affaires. Tu t'en vas travailler au carrefour de l'escroc. Je sais, j'ai vu la carte de punch dans ton cou. Fait que tu fais travailler ton cœur pis ton cerveau. Avant de passer 8 ans à vendre la merde au fou. J'suis sûr que ton pavé des frères Karamazov prend plus que la moitié de la place dans ta sacoche. Ça en laisse pas gros pour les cochonneries, c'est le fun. Peux-tu leur vendre de la place pour mon numéro de téléphone? Un écrivain reste dans le tombes. Me dit que t'as un petit quelque chose. Le vieux barbu triste qui croyait au Christ. Fait que j'm'imagine plein de belles affaires. J'ai lu juste crime et châtiment. J'suis un peu gêné de t'aborder. T'as dit ce livre-là est excellent. M'utiliser pour te parler. J'te regarde du coin l'œil et puis j'casse sur mon iPod. J'écoute les marmottes pis d'autres musiques plus à mode. On arrête en même place, on va chercher des cordes. J'te regarde disparaître au milieu de la horde. L'écrivain reste dans le corps. M'a dit que t'as un petit quelque chose. Le vieux barbu triste qui croyait au Christ. Fait que j'm'imagine plein. Rouge Pompier et Les Connards à l'Orange avec respectivement leur chanson qui se nomme Autobus. Alors encore une fois, bonjour à vous tous chauffeurs d'autobus. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd sur les ondes de CISM. En ce spécial, parce que oui, j'aime bien que mes émissions soient spéciales, mais sauf ça longtemps que j'ai pas dit le mot spécial. Spécial Pop Montréal. Même qu'ils appellent Pop Montréal Sweet 16, ben oui, 16e année. Peut-être qu'il y aura des sentiments adolescents durant... durant Pop, qui sait, c'est à suivre. Mais sinon, écoute, c'était du 13 au 17 septembre dernier, 5 jours de musique, parce que c'est quand même 600 artistes et 60 000 festivaliers qui se promènent partout, parce que quand même une quarantaine de lieux qui sont accaparés, pris, présents du festival. Au début, je regardais la liste, puis je me disais, mais il semble que c'est beaucoup, mais oui, en regardant, effectivement, c'est toutes des places où il y avait des spectacles de musique. Parce qu'il faut quand même mentionner qu'il y a aussi des conférences, des expos d'art, d'art visuel, défilés de mode, projections de films, et ben du party à Pop. Alors, il se passe ben des affaires. Et je ris déjà parce que moi, je trouve que, oui, c'est une grosse programmation. Autant d'artistes, c'est facile de s'y perdre. Parce qu'il peut y avoir deux types, ou peut-être même plusieurs. Il pourrait avoir le festivalier qui le sait pas. Je crois que c'est comme déjà la troisième catégorie. Celui qui le sait pas, ça, c'est comme moi, genre, il y a 2 ans, quand je suis allée voir Motorhead. C'est un peu après que j'ai réalisé que c'était dans le cadre de Pop Montréal, tu sais. Principalement, je suis allée voir Motorhead, puis j'ai fait, ah oui, c'est Pop! Ben, tant mieux! Alors, plus ou moins conscience de cause. Sinon! Tu as deux types de festivaliers. Le premier sera le consciencieux. Je sais qu'il existe, c'est sûr, parce que c'est pas moi. Le consciencieux, lui, il y a les deux manuels. Attention. C'était le moment que je prenais pour faire du bruitage. Ça, c'est le gros cahier, comme vous avez pu l'entendre, chers auditeurs, qui contient toutes les descriptions de groupe et tous les événements, les ateliers. C'est fort intéressant, mais il manque la partie 2. Ça, c'est le petit et bien givré de son papier dépliant qui donne les jours, les dates, les heures, puis toutes les bennes par salle. Alors, l'un va avec l'autre. Et si tu es un consciencieux, là, tu vas être à l'aventure et à la découverte. Fait que là, tu vas lire les descriptions, puis après ça, tu fais ton horaire avec l'autre, puis là, tu peux surligner, puis ça va bien. Ou simplement, ben déjà, tu avais une idée de quelques groupes que tu voulais aller voir. Quand même, grosse programmation, là. Bernard Lakes, qui joue Bernard Lakes, Our Dark Horse. Il y avait aussi le dernier show de Dido Bees. Il y avait D.O.C.'s Ola Tulip, Ostra. Le gars de Wu-Tang était là et tout. Fait que, écoute, il y avait du monde, lancement de Berries, Monterrey. Alors, déjà, tu peux avoir quelques idées. Et tu pouvais agrémenter le tout de découvertes en faisant ta merveilleuse recherche grâce. Ben oui, le festival nous outille, utilisons-le. Et, ben, inversement, ben, tu peux faire comme critique de crowd et foncer dans le tas! J'ai vraiment comme allé à l'aveuglette durant le festival. Ben, je suis prête à dire dérapage semi-contrôlé. J'ai décidé de faire l'inverse. J'ai décidé de m'outiller des accessoires que donnait le festival et de me pointer soit à, j'allais dire, l'édifice Rialto, parce que c'est, ça allait au-delà du théâtre Rialto. Je vais vous en parler plus tard, mais oui, il y a différentes sections. Ou tout simplement, comme durant mon jeudi, j'ai décidé de me pointer sur la rue Saint-Laurent en remarquant qu'il y avait beaucoup de salles qui étaient dans les festivités de Pop Montréal et de tout simplement monter la rue et de m'arrêter à chaque spectacle qui pouvait m'adonner, dépendamment là où j'étais rendue, à la hauteur de Saint-Laurent. Alors, ouais, tu peux aussi y aller à l'envers et ça peut donner un résultat quand même particulier. C'est à suivre, parce que vivre à l'aventure, c'est aussi accepter les risques des découvertes et aussi des temps libres qui peuvent être engendrés. Aïe, aïe, aïe. Sinon, écoute, le festival commençait un mercredi, jour tranquille. Peut-être ce serait l'explication, mais j'ai décidé de passer ma soirée au studio Rialto. Et là, ouais. On l'explique. Le théâtre Rialto, oui, il servait comme son théâtre, comme il sert si bien. Il y a le Piccolo Rialto que je vous ai déjà fait la critique, vraiment jadis, de Metz en pensant que c'était au théâtre. Mais non, le Piccolo, ça veut dire sous-sol. Et ensuite, ben, vous avez le hall. Ça, c'était au deuxième étage. Encore une fois, une autre scène du Rialto. Il y avait une espèce de clubhouse où il y avait un DJ ou des musiciens qui venaient jouer pendant que tu pouvais manger des petites bouchées. Ça, c'était bien fancy, ça c'était au rez-de-chaussée. Et finalement, tout en haut, t'as le studio Rialto, salle, oui, bien fort sympathique. Monter les escaliers, j'avais tellement le sentiment de découvrir les dessous du théâtre Rialto, sans me sentir si spécial, là, tout le monde pouvait y accéder, mais tu le voyais que c'était pas comme des chemins empruntés si souvent. En tout cas, il était, je sais pas comment dire, là. Allez-y l'année prochaine et vous allez filer le feeling de l'escalier du théâtre Rialto. Mais sinon, oui, au studio, il y avait entre autres le groupe World Star. C'est un groupe de punk d'ici. Ils n'ont pas énormément de chansons, mais hey, c'est pas une raison de pas en écouter un extrait. Je dis punk, mais ils ont quand même des chansons un peu plus pop-rock. C'est quand même sympathique. Même un petit peu plus électro. Bref, c'est assez varié. Mais, non, ça pourrait s'énerver. Mais quand je suis arrivée, la salle était plutôt vide. Et il y avait beaucoup de tables aussi, bien installées, avec les tabourets, placés à équidistance. Mais assez loin de la scène. Mais, tu vois, j'hésite pas trop. Pas assez. Je me suis dit, ça va pas s'énerver par là. Il y a beaucoup trop de tables. Il y avait deux personnes, vraiment, chacun dans leur coin, un à gauche et un à droite. Posément solitaire, relax, confortable, qui appuie la chanson avec des petits hochements de tête, mais qui vont pas plus s'approcher. Et là, non, on ne pense pas crowd qu'il n'y avait personne pour ce groupe. Étonnamment, ouais, parce qu'ils sont comme arrivés, ils sont comme apparus par enchantement. Il y a une quinzaine de personnes, mais complètement en avant pour Weird Star. Je me suis, j'ai pas tant d'explications. Des amis, des fans fini, mais bref, ils étaient très proches, assez emballés, oui, par rapport à l'engouement que ça pouvait avoir. Une salle très grande avec beaucoup de tables, ça peut... ça amène pas nécessairement l'excitation à son comble, mais quand même, il y a eu un certain intérêt. J'ai trouvé ça agréable. Ce qui est quand même... dangereux, puis c'est là, mon Dieu, en intro d'émission, tu sais, je vous ai dit la différence entre assister comme au groupe puis le spectacle complet. Pour moi, une soirée complète, ben c'est le spectacle. Tu sais, il y a différents groupes durant la soirée, je le vois comme une unité. Mais des fois, c'est vrai que c'est un peu dur de le voir ainsi parce que ça se vide, mais ça se vide tellement. Tu le vois bien que les gens étaient venus juste pour ce groupe-là, puis après ça, ils s'en vont. Je le dis, ben ça me fait de la peine, c'est pour ça que je chuchote les affaires tristes. Fait que... après World Star, a lieu le spectacle de Baguio. Baguio, qui est un groupe brésilien, j'allais dire descendu pour l'occasion, mais ce serait plus ou moins vrai. Ils ont eu trois spectacles à Pop Montréal, mais aussi ils en ont donné un autre dans le cadre de festivités à Verdun et aussi au Quai des Brumes. Je leur souhaite d'avoir beaucoup joué à Montréal puis un peu partout par la suite, parce que on s'entend qu'avec les ouragans, les déplacements étaient compliqués. Ils sont arrivés, pas à la dernière minute, mais oui, les déplacements ont été plus difficiles qu'ils auraient été prévus pour le spectacle. Il y avait quelque chose oui, il est quand même gros là, qu'ils soient présents. Mais pour cette jolie formation qui, son premier débat, il est sorti en 2006, puis ils ont quand même sorti quelques albums. Leur plus récent, Brutton, est sorti l'année dernière. Ben, pour ce joli et bien sympathique trio, il y avait 4 personnes dans la salle. 4 personnes! Moi, on dirait qu'à comprendre le contexte dans lequel ils sont venus, on dirait, je me dis comme, oh mon Dieu, que c'est triste qu'il y ait 4 personnes. Ce qui amène quand même des questions sur comment bien accueillir un groupe. C'est sûr que quand il n'y a pas le fanbase puis qu'ils viennent pour juste pour voyager ou se faire connaître, ben nécessairement, il va pas avoir énormément de gens. Fait que ça peut être compréhensif, mais quand t'arrives dans le crowd puis tu fais comme, oh wow, tu as vraiment déserté tout d'un coup. Ça, oui, il y a quelque chose qui me fait mal, mais il peut avoir plus qu'une façon de voir les choses, parce que quand c'est un spectacle où il n'y a pas beaucoup de gens, des fois, il peut se créer une intimité particulière. C'est drôle, en argentant la semaine dernière de ce spectacle-là avec d'autres gens, il y en a qui disaient que c'était leur spectacle préféré, des spectacles marquants, tellement il y avait personne dans la salle. Ça crée comme une complicité avec les autres gens dans la foule, et peut-être même une complicité particulière avec le groupe. Des fois, non. Des fois, le Ben, il est juste triste qu'il y a personne puis ils se sont déplacés de loin. Ou des fois, ça peut permettre, un élan de folie. Bon, ça, ce sera plus mon cas. J'ai un souvenir de, oh mon Dieu, un vieux spectacle qui avait eu lieu au Maxisor, jadis, là, t'sais, il a fermé et refermé le Maxisor à Trois-Rivières. Et il y avait, on était 10 dans la salle, mais il y avait tellement de l'espace, puis la musique était bonne. Je faisais des roues latérales, je fais toujours des roues latérales. Mais tu sais, dès qu'il y a de l'espace, on dirait que ça donne une forme de permission que tu ne pourrais pas avoir avec une crowd relativement dense, vraiment dans son sens le plus large, je veux dire. Dès que tu pourrais accrocher quelqu'un ou déranger quelqu'un. Fait que des fois, ça peut être bien, mais ouais, mon Dieu, j'en parle, mais se rester tranquille tout le long de Baguio. Ouais, mais écoute, des fois, ça arrive, hein. Des fois, il se passe rien dans la crowd, puis pire, des fois, on est juste 4, c'est quand même dommage. Ça n'empêche pas, on va aller en écouter un petit extrait juste pour vous donner le goût de découvrir davantage. Oui, je voulais vous le faire jouer assez longtemps pour que vous les entendiez chanter. Mais je crois aussi que grâce au genre musical, tu sais, oui, c'est un rock, puis tu sais, je trouve que ça enrobe bien le son dans une salle, tu sais, déjà ça la remplit bien que ça avait été plus vaporeux comme genre musical. Fait que ouais, je pense que ça a été une bonne prestation, parce que c'est un point qu'on reviendra, c'est à suivre crowd, mais ils ont pas fait de commentaires, ils ont pas fait en conséquence, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Ça a été une prestation comme il y aurait eu beaucoup, pas beaucoup de monde. Puis je crois aussi que c'est toujours à l'avantage des bands de faire ça, parce que ça donne une meilleure impression du groupe. On n'a pas l'impression qu'ils sont déçus, tristes ou qu'ils se donnent qu'à moitié aux gens qui sont présents. Puis pour moi, c'est surtout ça l'essentiel. Quand même, donner un show à la crowd. Sur ce, je vais continuer à accuser que c'est la faute au mercredi. Tu sais, milieu de la semaine, c'est pas comme hier, yeah, partez, on vit notre vie YOLO le mercredi. Ouais, pas tant. Peut-être jeudredi, vendredi, samedi, mais rarement le mercredi. Dimanche, limite, dimanche, les pique-niques, hein, ça amène son lot de folie. Mais mercredi, non, tranquille. Fait que sur ça, on va écouter des chansons qui parlent de mercredi. Mercredi de bonne journée. Je t'aime, tu es toute la vie, ma bosse, mon téléphone, ça m'est venu, mais c'est Bon vivant sur les ondes de CISM avec la chanson Mercredi, rien dans les poches. Ben oui, ce serait aussi une autre explication pourquoi il y a si peu de crowd un mercredi. Ah, une bonne raison économique, pourquoi pas. Et sinon, ben oui, vous écoutez Critique de Crowd après les publicités du rap, du reggae et de la magie, parce qu'il y en a toujours sur les ondes de la marge. À tout de suite. La 12e édition du festival Hip Hop You Don't Stop, c'est 5 jours à célébrer les arts urbains. Du 20 au 24 septembre prochain, explorez l'ouest de Montréal et déplacez-vous dans les quartiers NDG et Côte-des-Neiges pour une programmation à ne pas manquer. Compétition de graph sur camion, prestations live de Narcy, Monkey, Sharik, The Vote et plusieurs autres. Compétition de street dance et de barbier, barbecue, conférences, documentaires, expositions de photos et ateliers de toutes sortes. Une présentation de prévention CBN, NDG et Elementality en présentation avec CISM, CKUT, Moog Audio, Musique Technique et A-Shop. Suivez-nous sur Facebook, Hip Hop You Don't Stop MTL et sur Twitter, hashtag HHYDS2017. And it don't stop. CISM, Brasserie Dunham et La Bête présentent du 28 au 30 septembre prochain le festival Agri-Rock. En plein centre-ville de Saint-Hyacinthe. Keith Kuna, Chocolat, les Breastfeeders de Chess 16, Antoine Corriveau, Louis-Philippe Gingras, Gab Paquet et plus. 20 artistes, 10 lieux, 3 jours. À 45 minutes de Montréal, vous pourrez partir sur le YOLO à la conquête des terres mascoutaines. Non pas pour aller voir l'expo agricole, la vache Hublot ou les fluides de Starbucks. Ça implique de simplement amener ta sensualité, ton soivé et ton mulet coquet. Un festival de musique émergente pour tous les goûts. Découvert lors des Francouvertes de 2016, Mandou Senior présente son premier album homonyme paru le 8 septembre. Découvrez des textes aussi bruts que sensibles. 10 pièces qui respirent et qui vibrent comme un début de révolution. Mandou Senior, disponible partout, dès maintenant. Pour toutes les dates de la tournée, visitez lemondouseigneur.com. Canicule Tropicale s'associe aux productions Nuit d'Afrique pour le retour des soirées Nuit d'Afrique Sound System. Rendez-vous le samedi 23 septembre à la Sala Rossa avec comme invité la française Mambo Chic pour une soirée DJ set 100% vinyle de musique africaine, latine et caribéenne. Info sur festivalnuitdafrique.com. Cette capsule est présentée par Promotion Propaganda qui vous propose cette semaine. Une famille d'aveugles est tentée par la mort tragique de leur deuxième enfant et tente de le ressusciter à travers l'enseignement mystique d'un guérisseur russe. Mais cette prémisse n'est que le début de la vraie histoire. Gagnant du meilleur documentaire au RIDM, à Hot Docs et au Perséide, La Résurrection d'Hassan est un film intrigant, imprévisible, qui ne laisse personne indifférent. Au cinéma Beaubien, dès le 22 septembre. C'est la rentrée au Théâtre aux Écuries. Abonnez-vous à 3 spectacles ou plus et bénéficiez d'un tarif préférentiel de 15 $ le billet. Achat au www.auxécuries.com ou au 514-328-7437. Pour savoir ce qui se passe dans le monde culturel et urbain, consultez nos différents présentoirs partout à travers Montréal. Promotion Propaganda, c'est la culture à portée de main. Productions Nuit d'Afrique vous présente le groupe Danakil, solide ambassadeur du reggae français, en concert le vendredi 29 septembre au Théâtre Fairmount pour la sortie de son nouvel album. Billets en vente sur théâtrefairmount.com. Vous écoutez CISM 89.3 FM. Couler au-dessus de la Oh oui, tu l'as entendu sur le site de CISM en exclusivité. Pony, parce que ce soir, c'est aussi leur lancement d'album. Tu le connais par cœur, tu pourras chanter avec eux. Et peut-être aussi tu pourras chanter avec Valérie Vaughan, parce que c'est la première partie. Le tout se passe à l'ESCO. Et oui, tu écoutes toujours Critique de Crowd sur les ondes de CISM, le 89.3 FM. Et ben oui, à chaque fois, je te fais des suggestions de Crowd, parce que tu sais, je t'en parle, je te dis que c'est le fun d'être avec du monde, ben autant y être. Et ce soir, il y a bien du bon show, parce qu'il y a Wire au Théâtre Fairmount. Il y a le retour du Red Bull Music Academy. Cette fois-ci, ce n'est pas un mois, mais plutôt un week-end. Mais ils ont le week-end long. Red Bull, je dis ça de même, parce que ça commence quand même un jeudi. Alors, ce soir, c'est Homme Sanglante avec Dream Crusher, Nadja, Orxf, Panda Jean, Sadaf, Transcender, VHS, et le tout se passe à la SAT. C'est à suivre pour savoir si c'est en dessous du dôme. C'est toujours la question hein, quand on va à SAT. Ils sont rez-de-chaussée ou en dessous du dôme. C'est à suivre et ce sera sûrement à suivre la semaine prochaine puisque j'y serai. Parce que, oh mon Dieu, là, mon agenda de crowd était complètement déchiré parce qu'il y a aussi Bébé Soleil dans un complètement autre ordre musical. C'est entre genre du drone puis Bébé Soleil, il y a comme deux mondes. Mais ça prouve, mais oui, qu'on a les goûts variés à CISM. Fait qu'allez voir Bébé Soleil à Casa del Popolo puis allez me dire si c'était le fun, parce que ça va être le fun. Vendredi, un festival qui m'intrigue tout à fait, le Warning from Montreal, 4e édition. Il y aura Fratmutid, Aspect of War, Isotope, S, Blood Pressure, Parasite, Omerta, Moblish. Il y a beaucoup d'activités. Tous ces groupes-là, ils sont aux catacombes, mais sinon, durant l'après-midi, vendredi, à partir de genre 2h30 l'après-midi, on dirait, je le répète, parce que c'est vrai que tu lis deux fois le poster en disant 2h30 du matin ou du soir, parce que c'est un spectacle, c'est un festival de punk, fait que tu te dis, ah ouais, de bonne heure de même, pourquoi pas? Alors, je crois que ça me... Ouais, ça pique encore plus ma curiosité d'aller voir Durcoeur. C'était au Barfly, ça a été déplacé à la Casa del Popolo. Allons-y gaiement, vendredi après-midi. Sinon, il y a The Jackets, un groupe suisse qui va jouer avec Les Envahisseurs et Evil Crow au Divan Orange. Samedi, The Cranberries nous visite et ils seront à la Maison Symphonique de Montréal. Sinon, Métropolis, il y a Nick Murphy, anciennement appelé Chet Faker, et il joue avec Charlotte Cardin. Et oui, pour les perspicaces, c'est la deuxième date parce que vu que moi je suis vert, je suis perdu, je vous suggère la deuxième date parce que pourquoi pas? Faut bien aider les gens qui me ressemblent parmi les auditeurs, ceux qui sont parfois égarés. Et sinon, ça se peut que tu sois égaré naturellement parce que c'est pas habituel, un deuxième pique-nique la même fin de semaine, juste pour le fun, ou presque. Ben oui, c'est une reprise des pique-niques ce samedi avec Mistress Barbara, pour la simple et bonne raison, ben qu'il pleuvait! Et c'est un classique Mistress Barbara, là, je veux dire, elle est là chaque année, puis c'est magique, puis c'est unique. Fait qu'on reprend ça un samedi, ça va être encore plus spécial, c'est à suivre. Dimanche, Ride, encore une fois, du Red Bull Music Academy, va jouer avec Charlotte De Wilson au National. Lundi, mon Dieu, si j'étais libre le lundi, Alexandre Desilets, il va jouer Windigo, mais version acoustique au verre bouteille. Je trouve ça très intéressant. Vendredi, Drum Majesty va jouer au Ritz PDB. Et finalement, ils reviennent souvent à Montréal, mais ils changent aussi. C'est les Pixies. Alors, je les ai toujours pas revus dans leur... j'allais dire leur nouvelle mouture. Ils ont juste changé un membre. Là, on va se calmer une heure. Mais reste que, si vous y êtes, je serais curieuse de voir comment c'est la différence scéniquement. Et les Pixies vont jouer mercredi au Théâtre MTLUS, quoi? Oui, le Métropolis. Sinon, écoute, on va écouter des jolies chansons du palmarès francophone de CISM, en commençant par Rudy Bernard, et nous allons aussi écouter Paupières. Un baiser à la dérobée pour la Dorothée qui claque ses souliers. Ça dit, faut qu'une idée fixe, que des cheveux excessifs. C'est mystique, suggestif, l'air introspectif, réflexe subversif, c'est pas vitif. Esthétique, magnifique, dans le miroir magique, un charme énigmatique, des mimiques excentriques. Réfléchis. We'll

papillon solennel. Recherche une étincelle. Des ampoules, des lampadaires. Pierre et Rudy Bernard sur les ondes de CISM. Et pour toutes les autres chansons du palmarès francophone, puisqu'elles y sont, ben, CISM893.ca, c'est bien pratique. Il y a même une page avec critique de crowd dessus. Fait que si t'as des commentaires, des questions, de l'amour, et ou bien d'autres affaires, ben, tu peux le partager, tu peux l'envoyer sur le Facebook, sur le site, sur tout plein de façons, parce que les internets sont fort pratiques pour ça. Et oui, c'est toujours critique de crowd avec Jolène et mon beau spécial Pop Montréal. Je dis mon beau spécial parce que, oh mon Dieu, je sais que d'habitude, j'aime ça quand ça s'énerve. J'aime ça quand ça bouge dans la crowd. J'aime ça quand les gens sont attentifs. Et je suis bien heureuse de vous partager un moment qui est tout à l'inverse. Calme, mais pas calme parce qu'on est contemplatif, parce que la musique est intense puis on a besoin de toute notre énergie pour pouvoir l'apprécier dans le fond de notre dedans. Non, simplement, c'est léger. Léger, doux, doux, léger, comme un petit papillon, comme boire une petite bière frette, comme le gazon, comme l'air frais, comme le petit vent, du petit vent cute, parce qu'il fait chaud, mais c'est apaisant. Vraiment, c'est encore le mot apaisant. Je crois que Belle Game aura ce synonyme-là pour moi pour encore un moment. Non, ils ont pas encore beaucoup de chansons sur Internet, parce que, mon Dieu, leur dernier album, il vient juste de sortir, 8 septembre dernier, sur l'étiquette Art and Craft, leur album Fur and Nutting. Mais écoute, c'est à suivre pour en écouter davantage, parce que moi, j'ai juste cet extrait-ci à t'offrir. Ah oui, c'est bien doux à écouter. Et là, je parle de gazon puis de papillon puis de magie extérieure. Ben parce que justement le show de Belle Game, chose qui en donnait plus qu'un durant Pop Montréal, mais celui que j'ai vu était sous la tente. Ben oui, sous la tente, comme mon Dieu, comme sous la tente de CISM durant les Francopholies. Le pire, c'est que c'était la même tente, mais pas la nôtre. Fait que mais la différence aussi, c'est que c'était le barbecue pop. Et ouais. C'était dehors, des bancs. Fait que non, quand ils jouaient, là, Belle Game, il y avait personne en avant. Il y avait personne. Il y avait du gazon, point. Mais il y avait les bancs. Et, oui, il y avait cette distance qui n'était pas lourde. C'était très... c'est très posé. Les gens étaient assis, puis ils écoutaient. C'était surtout ça, je trouve, l'important. C'était l'attention que la crowd, pas hyper nombreuse, il était 4h l'après-midi, les curieux pouvaient venir, il y avait un gars qui tenait son vélo. Quand est-ce que tu peux tenir ton vélo puis checker un show en même temps? Ah, les plaisirs de Montréal! Alors, ouais, l'attention, parce que c'était pas un groupe qui, accessoirement, joue de la musique pendant que tu grilles ta saucisse. T'sais, c'était vraiment un show, et même que la bouffe était pas si populaire, pas qu'elle avait l'air pas bonne, juste que je pense qu'elle était encore de bonheur la journée pour manger son souper, mais juste le moment détendu, près 5 à 7, j'ai vraiment apprécié et je vous le conseille bien fortement, crowd, de faire votre tour l'année prochaine. C'est gratis! Puis c'est à côté de l'ancienne École des Beaux-Arts qui, sont pris par Pop Montréal, par les conférences, par... aussi, vous pouvez aller voir les expos visuelles à l'intérieur. Ça, c'est pas très crowdé, par exemple. Le critique de crowd ne peut pas dire d'y aller pour la crowd, là. Fait que... Mais vous pouvez aller faire un tour, puis ça aussi, c'est bien sympathique. Et parlant de choses sympathiques, bon, on va écouter un groupe que j'aime beaucoup, Comme un homme libre, avec la chanson, et que ça fonctionne bien pour aujourd'hui. Pop! Pop de ce cher groupe Comme un homme libre. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd qui s'aventure durant Pop Montréal. Je dis que je m'aventure parce que là, l'aventure pour de vrai, elle commence là. Là, j'étais bien posée dans le gazon à apprécier Belle Game. Mais par la suite, je me dis bon, j'ai mon jeudi soir et je veux explorer la crowd. Alors, je me suis donné comme comme seul indice de monter la rue Saint-Laurent et de pogner toutes les shows qu'il va y avoir. Ah, j'étais tellement emballée! J'étais comme auto-emballée, là. C'était ma propre idée, puis j'étais super excitée de la faire. Tu sais, j'étais comme, yay! Je vais prendre une marche dans Montréal. C'est agréable! Ça, en soi, j'ai vraiment apprécié de prendre le temps de marcher sur la rue Saint-Laurent, rue si importante historiquement pour la ville de Montréal, là, la vieille Main! Mais, quoique je suis pas partie tant de ce coin-là, là, j'étais un petit peu plus haut, mais ouais, c'est agréable. Tu vois, là, je suis un petit peu mitigée. C'est agréable de revisiter cette rue, de contempler la crowd qui est encore de bonne heure. Tu sais, il était 8 heures là, quand j'étais en train de marcher. Fait que oui, il est encore tôt. Peut-être que les gens finissent d'être au resto puis ils sont pas encore en train de veiller. Tu sais, on est jeudi, Saint-Laurent, ça aurait pu être gros clubbing, mais j'étais pas devant genre le Radio Lounge. Là, fait que c'est une autre histoire. Mais oui, ça m'a permis de me promener et de voir ces terrasses avec des pichets. Non, pas des pichets! Seigneur de ma vie de seigneur! C'était un container! C'était épouvantable! Je le regardais pis j'étais stupéfaite! C'était le plus gros pichet que j'ai vu de ma vie. Je sais pas c'est quoi le bar, je veux pas le savoir. Puis à l'intérieur de l'énorme container à sangria, il y avait une espèce de robinet là pour vous dire comment c'était gros, puis que tu peux pas juste en servir avec une louche, genre c'était pas un bol là, c'est énorme. Et je me disais mais quelle mauvaise idée. Oui, critique de crowd, va chialer complètement gratuitement sur les choix de la crowd et leur choix de consommation d'alcool, parce que je me suis dit voyons, c'est bien énorme. Il est 8h, mec, soit je sais pas moi dans une heure, ils ont clairement pas fini là, c'était deux filles. Là je suis comme mais ils boivent vite là, mais en même temps ce serait dangereux pour leur santé. Ou peu importe, j'espère qu'ils partagent puis sont généreuses, parce que sinon ben il va être juste liquide, genre ça va goûter de l'eau, les glaçons. Là il va être chaud, là ils vont redemander d'autres glaçons, là ça goûtera plus rien. Je suis comme mais quel mauvais choix. Fait que j'étais choquée pour rien, pour aucune raison, sur la rue Saint-Laurent, en train de me dire que je découvrais les nouveaux formats de consommation. Oui, ça me prend pas grand-chose. Mais sinon, ça m'avait aussi ramené, l'autre point, c'est que c'était très... C'est très proche. C'est drôle, mais il me semble qu'il y a d'autres rues de Montréal qui ont des terrasses, mais j'ai jamais senti une aussi grande proximité entre les passants et les gens sur les terrasses. C'est pas des blagues, il y avait même un restaurant, il y avait personne dans le resto. La place était complètement ouverte, puis les seules tables qui étaient occupées, c'était comme celles sur le bord de la vitrine ouverte. On dirait qu'ils sentaient comme la publicité, comme oui, on a des gens chez nous, regardez, ils mangent bien. Ça, on voyait trop bien leur assiette aussi. Oui, c'est appétissant. Marcher sur Saint-Laurent, sentir les chumines qui sont servis encore une fois sur le bord de la crowd et qui servent aussi. Ah, bon moment de générosité montréalaise. Il y avait quelqu'un qui était juste à côté, puis il y a quelqu'un qui en a offert. Et la cuisinière, il a dit « Hey, c'est ton jour de chance. » Et oui, c'est des moments comme ça, un peu pris sur le vif quand on marche sur Saint-Laurent bien tranquillement et qu'on n'assiste pas à des spectacles de Pont-Montréal. Parce que, ouais, là, je passe devant le Barfly. C'est pas commencé. Ouais, j'étais trop de bonheur. Après ça, je marche, divan orange. Ben oui, Jolène, à quoi t'as pensé? T'es tout le temps en retard au spectacle, mais pas si tard au show. Tu sais, souvent, le show commence aussi en retard. Fait que, mauvaise corrélation, j'étais trop excitée. J'avais envie de découvrir toute la programmation, mais beaucoup trop de bonheur. Alors, je marche sur Saint-Laurent et j'assiste à un beau moment de karaoké où le chanteur est complètement intense. Là. Il est... on dirait qu'il est en dévotion pour sa propre chanson. Là. Il incante un dieu. Tandis que la seule autre personne dans la salle, ben ça a l'air d'être sa copine qui est comme écrasée sur la banquette. Il vivait son moment de gloire un peu seul, ce chanteur de karaoké. Mais finalement, je réussis à trouver une place où il y a de la crowd et des shows de Pop Montréal. Et j'arrête nul autre que au bar Le Balatou. Oui, j'étais toujours pas allée. Et c'est fini ce temps-là. C'est fini. Lieu repère des Nuits d'Afrique. Lieu culte quand même. Mais... j'avais jamais eu l'occasion et c'est terminé effectivement puisqu'à 9h06, je veux bien noter l'heure, j'y suis été. Et puis, par contre, ça a pris une demi-heure avant que le show commence, fait que ça m'a laissé le temps d'observer les lieux. Observer, bon, le début de crowd, il y avait une dizaine de rappeurs. Oh, j'ai senti que c'était un show de hip-hop et non de musique du monde, comme peut-être aurait pu me laisser dire les lieux. Parce qu'on le voit quand on est au Balatou, il y a une immense affiche avec, je pense, des personnalités marquantes qu'il y a eu durant les nuits d'affiche. Il y a, oh mon Dieu, il y a des vieilles affiches de CISM! Mais genre qui datent d'une autre époque de CISM, là. J'étais comme, mais on devrait aller les changer. C'est comme, comment ça personne nous a dit qu'on avait des vieux posters de CISM à Balatou? On va remettre ça neuf. En tout cas, c'est à suivre, ça, je vous le promets. C'est à suivre. Mais sinon, mais écoute, c'est drôle. Je trouve que ça a la même dimension que le deuxième étage du Café Cléopâtre. Ben, moins le burlesque, mettons. Mais ouais, la scène qui est très proche d'une partie de banquette, légèrement surélevée par un petit... Tu sais, à peine une demi-marche, mais quand même, beaucoup de miroirs, autant comme derrière la scène, pour voir le Ben en double, et aussi derrière les banquettes. Je sais que c'est pour agrandir les espaces, mais ça m'intrigue toujours encore pourquoi il y a des miroirs. C'est juste pour genre... En tout cas, on faisait juste l'image de pouvoir se maquiller ailleurs que dans les toilettes. Mais pourquoi autant de miroirs? J'en ai aucune idée. Je sais pas si ça aura servi aux artistes. Et sinon, ben écoute... pendant que j'attends, ben oui, c'est un spectacle de rap que je vais découvrir. C'est Lucius Payton de Cat. Il me semble bien nouveau dans le milieu. Il y a quand même plusieurs tracks là, que vous pouvez trouver sur les internets. Mais ouais, j'ai bien envie qu'on écoute un petit extrait. Allons-y tous ensemble. Gonna get down to it. Don't hold it. thriller. Feel nigga with ill features. I whip the work, strong work to the cotton club. Alabaster suit is tapered to the socks though. In seems like Jim Beam. It's Christmas, hell, it's Christmas here. Murder coming gift wrapped. Buzz, they come with two stacks of serves on the. Alors, Lucius P. Thundercat, qui jouait devant une dizaine de rappeurs, mais bien assis sur les banquettes. Et ben, c'était mollo, c'était vraiment relax comme spectacle. Tu sais, les bras bien détendus le long de la banquette. Et ouais, ça dansait pas beaucoup. Et tu vois, on dirait que je suis comme remplie d'hésitation parce que je le trouvais charmant comme rappeur. C'est pas le genre musical que, oui, j'ai vu le plus souvent, mais je trouve beaucoup que, surtout les rappeurs qui vont être accompagnés de leur DJ qui ont juste un ordinateur, c'est des gens qui prennent beaucoup de place sur scène, pas juste en grouillant partout dans tous les sens, mais qui ont une présence si importante pour le delivery, puis aussi pour l'attention scénique. Tandis que là, c'est drôle, il nous a jamais regardé. On dirait qu'il regardait en l'air, peut-être qu'il regardait les miroirs, c'est là qu'il servait les miroirs, mais il était il était comme ailleurs mais présent en même temps. J'ai eu l'étrange sentiment d'assister comme quelqu'un qui est gêné au secondaire durant les exposés oraux. Ouais, mais qui est pas gêné, il est rempli d'assurance, mais il nous regarde jamais. Il nous regarde pas, obligé que tu nous regardes dans les yeux là, je veux dire, on est en spectacle, il y a de l'éclairage, on est un peu dans l'ombre. Mais ouais, ça a été quand même particulier, mais dans l'ambiance, non, les gens ne seront pas assis que du début à la fin. Il va y avoir des gens qui arrivent et on sent les amis aussi, hein, des fist bumps pour se saluer, des petits câlins. Il y a une fille avec des oreilles de chat en paillettes. Elle va bien danser, ça va être bien agréable de la voir faire plus loin, plus proche de l'entrée, voir, vu que la scène est comme sur le long, là, le balatou. Je pense qu'être en avant de la scène, c'est aussi bloquer le passage. Alors, il va avoir place à quelques mouvements, parfois même des mouvements rigolos. Ouais, je trouve que ça va bien. C'est les beats qui vont être un peu plus... beat latino. Il va y avoir des reprises. Il va y avoir une reprise de Outkast. Oh là, les épaules se remuent pas à peu près. Et je dis reprise. Au début, je me suis dit, c'était juste l'échantillonnage. Mais non, mais ça, c'était vraiment les mêmes paroles. Fait que j'ai quand même été surprise. C'est à suivre. Je suis curieuse si vous avez des bonnes connaissances dans le milieu hip-hop et rap. Ouais, les reprises sont-elles aussi communes que dans le rock? Mais en tout cas, moi, ça m'a surpris, mais tout le monde était bien heureux de l'entendre. Puis comme de fait, ça a fait lever la foule. Et sinon, ben voilà, j'ai été bien heureuse de découvrir le balatou, mais j'ai pas l'impression de l'avoir découvert entièrement parce que, ouais, sans vous tomber dans le purisme, je veux dire, c'est la maison mère des Nuits d'Afrique, fait que faut que j'y retourne une bonne fois pour vous en faire une critique. Comment ça danse dans ce lieu si serré? Alors, sur ce, ben, on va continuer en musique. Comme rappeur, ben, le soir même, il y avait des Dobies et leur dernier spectacle au Métropolis. C'est une bonne occasion d'écouter pour de vrai. Voilà mon gars, c'est pour eux. Plein de chair et en os, c'est pour eux. Ce que tu vois là mon gars, c'est pour eux. Pour eux, pour eux. Ce que tu vois là mon gars, c'est pour eux. Plein de chair et en os, c'est pour eux. Ce que tu vois là mon gars, c'est pour eux. Pour eux, pour eux. Fuck it, j'suis trop puff, j'suis so off. Trop fuck, j'suis pour the top, j'suis whole. Tape sur le saut de rhum, j'suis comme pauvre d'homme. Fuck it, the boy, fuck it, the boy. Personne veut un bum suivre, homie. Please, personne veut un dummy. I'ma be what I want, j'suis pas là pour vivre dans vos mains. Moi j'suis parti pour la soirée, I guess I'll see you tomorrow. Un billet de 10 pour le ride. Homie, j'fais ce real pour la soirée. Une coupe de spliff sur le side. Homie, j'fais ce real pour la soirée. Pour eux, ce que tu vois là mon gars, c'est pour eux. Plein de chair et en os. Ce que tu vois là mon gars, c'est pour eux. Pour eux, pour eux. Ce que tu vois là mon gars, c'est pour eux. Plein de chair et en os, c'est pour eux. Ce que tu vois là mon gars, c'est pour eux. Pour eux, pour eux. Once upon a lot, 16 Cadillac, all black, jumpy yard, but any day, we all in it to die. Anyway, don't need to go be hype. On a frappe, ce champ gauche, puis on stay obviously right. I'll be right back, yeah right. Eli wants to take me pour une ride. Mais souvenez plus où est-ce qu'il était parqué. Dommage, blanc mémoire en buffalo. Dead ou à la belle étoile noire de mon on parking lot. I mean, bump it pour un fake. Fait que make some noise pour ton waste. Checks. Coupe de mille qui swing, like, not much, mais j'face. Pis la minute qui marche, pis dis-moi donc comment que j'face. Hein? Y'a juste des crabes dans mon bucket. On party comme en 99 et fuck. You see the worm in the barrel, even blame bum. Pour it, numéro 1 dans ton apple like it ain't nuts. Fais ça le même pour elle. C'est ma name, so je sais que c'est pour elle. Pour elle, et tout ça c'est pour elle. Quand on se donne en show, mon gars, c'est pour elle. Fais ça le même pour elle. C'est ma name, so je sais que c'est pour elle. Pour elle, et tout ça c'est pour elle. Quand on se donne en show, mon gars, c'est pour elle. Pour un tel, peut-on passer à télé, tellement de stars, c'est mon call. J'suis pas le procord, t'es d'une call. Mon call est bluff, c'est le code. Calleront les cops, mon boy. Calling nuts, c'est ma porte. Sorry, j'suis passionné, fuck. Pis cherche pas le boy, c'est que tu l'as vu par le boss. Yeah, j'ai passé par le ton, elle retombe jamais au même spot. What you see is what you get. Got a tank full of gas, let me see vos allumettes. Pourrait. J't'ai veuille de me lighter une mèche. J't'ai veuille de me start une session. J't'ai veuille de wider pour elle. Pourrait. J't'avais une light and flash, j't'avais une star and session, j't'avais une white pool. Pour eux, ce que tu vois là mon gars c'est pour eux. Tout en chair et en os, pour eux. Ce que tu vois là mon gars c'est pour eux. Pour eux, pour eux. Ce que tu vois là mon gars c'est pour eux. Tout en chair et en os, pour eux. Ce que tu vois là mon gars c'est pour eux. Des Dobies sur les ondes de CISM et critique de crowd qui se promène sur Saint-Laurent. Eh ben écoute, après le balatou, marche, marche, je me rends jusqu'au Club Lambi. Hey, ça a longtemps qu'on s'est pas vu Club Lambi. Ben ouais, finalement, je te crois juste à Pop Montréal. Que se passe-t-il avec ta programmation? Que se passe-t-il avec toi, Club Lambi? Des fois, je trouve que... encore une fois, j'y retourne, puis je trouve que c'est une salle... Ben, je trouve qu'elle manque un peu moins d'amour, mais encore une fois, je trouve qu'elle manque un peu d'amour, même si elle est ben sympathique avec sa belle boule disco, il y a de l'espace, tu peux être assis. C'était pas très crowdé, mais quand même, il y avait de la belle jeunesse tout en tatou qui sera présente pour le groupe Mod Breeder et ça... Là, je me fais rire tout seul parce que je cherchais Mouth Breeder sur Internet et j'ai réalisé à quel point c'était un nom populaire en musique, soit pour chanter du power violence ou pour avoir un label de black metal anarchique. Fait qu'on n'était pas du tout là-dedans au Club Lambi. Plutôt, je vais vous passer un extrait et vous allez réaliser que ce n'est pas du tout le cas. Et voilà l'extrait ici. Ah oui, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu lascif. Peut-être que c'est à le voir que ça se confirme plus pour Mouth Breeder, parce que le chanteur, je le trouve complètement décalé. J'ai trouvé, oui, c'est ben une belle découverte. Je sais pas à quel point musicalement je vais avoir le goût de les réécouter, mais je suis heureuse d'avoir eu cette surprise durant Pop Montréal, parce que oui, c'est ça, le chanteur, au début de son set, il donne des espèces de coups de bassin que je me disais qu'à une autre époque, il aurait pu être censuré parce qu'il y avait quelque chose de, ouais, quelque chose d'un peu Elvis, là. Mais quand même un peu plus modéré, peut-être un peu plus carré, un peu plus saccadé. Et surtout quand je dis décalé, je sais pas, ça doit être son physique. Il a l'air, il est jeune imberbe, un peu survolté. Je trouve qu'il joue aussi un peu avec les pastiches de l'image du rocker. Il saute à terre, il rebondit des petits paliers qu'il y avait pour tenir les moniteurs. Oui, il est toujours en avant de moniteur, là. Il est pas toujours après son pied de micro, il se promène et ouais, on pourrait te dire tout simplement qu'il a la gigote, mais pas tant. Mais surtout, il va pas la provoquer dans la foule qui est très distante. Oh là là, genre des mètres de distance là, des fois je dis 1-2, puis c'est pas si gros que ça là, vraiment moitié de la salle, les gens commencent à être installés et plutôt en ligne, ça bougera très très peu. Peut-être le couple en arrière, mais je crois que c'était plus un couple qui avait envie de s'amuser puis rigoler entre eux autres parce que la musique était amusante plus que parce que la musique amène ça point. Autrement, non. Ah, ça bouge pas beaucoup. Le petit genou, légèrement peut-être. Il y a une personne qui dansouille légèrement. Mais il va aller lui-même, le chanteur, danser avec des gens dans la salle. Je crois que c'est durant la partie un peu plus instrumentale où il descend dans la foule. Et justement, il a pu en profiter avec quelqu'un de la crowd. Mais autrement, le calme plat. Et durant ce temps-là, c'était aussi O.C.'s au Théâtre La Tulipe qui est pas pantoute dans mon trajectoire. Fait que là, j'étais comme, est-ce que je fais les bons choix dans mon aventure de Pop Montréal? Puis là, j'étais un petit peu triste. J'étais un peu comme, je pense que je fais les mauvais choix depuis le début. Je suis un peu triste. Mais quand je disais dérapage semi-contrôlé de mon Pop Montréal, ben je savais qu'au bout de Saint-Laurent, il y aurait King Woman à la Vitrola. Alors je me suis dit, soit je peux pas être partout en même temps, alors soit je vais voir aussi, soit je vais voir King Woman. Et oui, je suis contente d'avoir vu King Woman. On s'attend pas à de l'exaltation peu, puis on s'attend pas à des gens qui s'énervent là. Fait que non, déjà j'avais un certain pressentiment qui va se confirmer, mais je suis heureuse d'avoir fini ma soirée tout le long de Saint-Laurent. On va continuer en musique avec, ben oui, la première partie de O.C., c'était Chocolat. Je sais que tu l'as entendu, réentendu, réentendu, cher auditeur de la marge, mais comme on l'aime, cette chanson de Chocolat, sur leur plus récent album, Rencontrer Loulou. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd, qui marche sur ce Saint-Laurent et qui arrive, mon Dieu, pile, j'ai rien manqué de King Woman, même qu'elle a commencé un peu à l'avance. Alors, pour ta curiosité, pour ceux qui ne la connaissent pas, ben oui, King Woman qui vient de San Francisco, c'est le projet de Christina Elfanz-Diary qui fait dans le drone showcase Doom Metal. Montréal. Et ouais, je m'attends, musicalement, on s'attend ouais que ça soit aussi reproduit dans l'atmosphère, cette forme de lourdeur, pesanteur, que ça soit mollo. Et c'est drôle d'utiliser le mot mollo. Mais ça, c'est pas le mot qui te vient automatiquement quand tu penses à King Woman, mollo. Mais bon, j'espère que vous aurez saisi. Et surtout, en rentrant, c'est l'odeur d'encens qui va marquer. Je me suis demandé en premier si c'était la première partie avant elle qui a fait faire fumer de l'encens. Non, c'était bien sur leur propre ampli. J'aime ça quand on utilise plus qu'un sens. Alors, déjà, ça fonctionne, oui, aussi dans l'atmosphère. Et le spectacle va avoir été très, très court. Je commence par la fin, mais il n'y a pas eu de rappel. Et direct quand le show a fini, j'entendais les commentaires dans la foule de « Mais voyons, tu sais, on dirait qu'il y a vraiment eu une montée. » Là, c'était culminant musicalement, puis que ça, boum, ça a arrêté là. Fait qu'il y a des gens qui ont trouvé que ça les avait craqués, mais que ça finit là. Puis oui, le fait que c'était bien court. Ils ont joué un peu moins, je pense, qu'une demi-heure. Est-ce que ça nous donne le temps d'être complètement absorbés par la musique? C'est peut-être plus ça, point, parce que c'est tranquille, oui, la plupart des gens vont être debout, mais étant donné la disposition de la vitre là, ce que je trouve intéressant, c'est que tu peux être là où ça te plaît. Ben oui, l'autre scène, juste à côté du stage, ben il y a des tables, des chaises, t'as envie d'avoir des tables pis des chaises, ben tu peux être assis complètement à terre. Ça aurait été mon cas, parce qu'il y avait d'autres gens qui se sont assis en indien, puis je trouvais que c'était une position fort confortable, puis aussi un angle moins habituel pour regarder le spectacle, un peu cette impression comme si on était dans les coulisses, mais on l'est pas, là. Et en même temps, ça donne l'occasion de regarder la crowd qui, elle, est bien debout en avant, ça bougera pas et c'est tant mieux de même, tu sais. À part si vraiment la musique vient te chercher physiquement, que ça dégage quelque chose, je m'imagine peu de mouvement avec cette musique-là et c'est correct. Peut-être qu'on est simplement occupée à regarder la chanteuse. Elle dépasse les moniteurs. Elle chante pas souvent, encore une fois, à son pied de micro. Elle va même à la toute fin descendre dans la foule, mais elle aura plus un air fantomatique là, à se déplacer de gauche à droite. Fait qu'on n'est pas dans les interactions. Là. Ils parlent pas au monde. La lumière est tamisée, mais plus que tamisée. Là. C'est pratiquement l'obscurité. Alors, je trouve que c'est le genre de spectacle oui, plus pour le mood que ça peut apporter que pour tout le reste. T'es pas tant avec la crowd, t'es pas tant avec le groupe. C'est juste comme une espèce de parenthèse de vie à vivre. Parce que, ouais, le gars juste à côté de moi, il était comme même pas en train de checker le ben, c'était caché la tête dans ses propres cheveux. Puis, un peu plus, puis il se berçait, là, mais il vivait la musique de façon très, très introvertif. Puis je trouve que c'est bien parfait comme ça aussi. On va aller en écouter justement du King Woman. Écoutons-en un petit peu, mais aïe, allez écouter l'album au complet. Je vous le suggère bien fortement. Oui, long extrait pour vous en faire bien profiter, chers éditeurs de la marge. Et nous voilà un autre jour. Ben oui, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à Pop Montréal. Et vendredi, je me suis beaucoup promenée dans le studio Rialto, Théâtre Rialto. Oui, je trouve que si vous prenez la passe, je trouve que ce qui peut être agréable, c'est de visiter le lieu même, le Théâtre Rialto, qui, mon Dieu, a déjà failli potentiellement, peut-être, non, parce que ça ne s'est pas passé, être un centre d'achat. Puis au début, quand j'avais appris cette nouvelle-là, je trouvais ça un peu étrange, déjà en soi, de vouloir convertir une salle de spectacle en centre d'achat. Mais on dirait qu'à visiter les lieux, et leur immensité. Je commençais à comprendre pourquoi ils pouvaient avoir des investisseurs mal placés à penser à ce genre d'idée. Mais non, on le souhaite pas. C'est si beau le Théâtre Rialto, si bien... toujours bien entretenu pour le Théâtre Rialto. Et sinon, on peut aussi en découvrir ces bas-fonds qui seront le Théâtre, ben oui, le Piccolo Rialto, où il y avait le spectacle de Monty Diamonds. C'est un trio reggae, un trio qui existe depuis 1969 avec les mêmes membres. C'est des légendes, on peut le dire. Alors, sois certain que vendredi dernier, il y avait toute la communauté reggae. C'est certain que les animateurs de basse fréquence, j'espère fort avoir leur critique de crowd à leur émission en fin de semaine, parce qu'ils y étaient. Oui, tous ceux qui trippent là-dessus étaient présents, puis on le sentait dans la salle. Il y avait une ambiance chaleureuse pour le groupe, l'enthousiasme et la chaleur point. Et qu'il faisait chaud. Et boy! Et j'ai eu rumeur, il paraît-il, que... le chauffage a été augmenté, ça se peut-tu? Ben, écoute, ils viennent de la Jamaïque, s'ils avaient envie de se sentir acclimaté, ça se pourrait, c'est pas faux. Mais ce n'est qu'une rumeur, je crois que simplement la chaleur humaine aura suffi. L'emballement, comme je vous dis, ça danse, ça s'amuse. C'est quand même, tu sais, c'est relax, là. On écoute du reggae, là. C'est même pas, on n'est pas non plus en train de danser le ska, tu sais, on est quand même mollo dans nos mouvements. Reste que ça crée de la chaleur. Ça crée de la chaleur et, ah, quand tu t'allumes des petits joints, ben oui, ça aussi, ça crée de la chaleur. Et, ça fait partie de la culture reggae, la marijuana, puis oui, ça en fumait beaucoup dans la salle. Non, personne en voit de désagrément, là, on s'entend, ça fait partie de la culture. Mais on dirait que c'est la première fois de ma vie que je reviens d'un spectacle. Non, pas gelé, juste avoir respiré la boucane, là, ne pensez pas ça, crowd. Mais plutôt de revenir complètement huileuse. Je comprends pas. Mais sûrement, ben oui, c'est le fait qu'il y avait beaucoup de boucanes dans un espace restreint. Mais je vous jure, quand je suis sortie du show de Monty Diamonds, j'avais l'impression que je venais de travailler une journée chez Valentine, ça n'a pas rapport. Ça, oui, c'est drôle de remarque, mais j'étais pas tout seul non plus à le sentir comme ça. C'est quand même un impact sur la foule. Ah, juste une petite mention, puis je crois que c'est plus comme une leçon de vie... Dans la crowd, ben oui, tout le monde est cool. Tu check un show de reggae, c'est des légendes. T'es juste heureux d'être présent. Les gens, heureux, je te le répète, heureux. Puis là, t'as un gars un peu excessif, tu sais, qui boit trop, qui s'énerve trop. Puis à la serveuse, tu sais, il fait des petits commentaires, là, un peu limite sexiste, là. Fait que là, tu le vois, là, qui est un petit peu... un peu sénère avec le gars qui cherche d'avoir de l'approbation masculine à côté de ses pas compas qui font juste commander à côté. C'est pas parce que vous avez tous les deux le même sexe entre les jambes que ça vous fait des points en commun, nécessairement. Et je trouvais ça très triste. Très triste parce que, oui, le gars manquait de savoir-vivre. Ça pouvait gâcher la soirée de d'autres gens dans la foule, le fait qu'il se prenait pour un autre. Et c'est surtout parce que c'est une supposition. Mais j'avais vraiment le sentiment que c'était le genre de gars qui sort pas assez souvent. Tu sais, il sort tellement pas assez souvent que quand ça arrive, la fois par année, là, il vire fou! Là, il se prend maître du monde. Il veut boire. Il va être en premier. Il veut pas attendre. Yo, t'es un show de reggae. Calme-toi. Calme-toi. Mais il semble que c'est comme contre toute la mentalité, genre, Rastafari, je veux dire. Ah, je sais pas. Il y a comme quelque chose qui m'échappe un peu dans son comportement. Puis je me dis que c'est tout simplement, sors un peu plus souvent, puis tu vas être quand même ouais, tu vas être plus modéré, puis ça risque d'être plus agréable, ou pour toi et pour les autres. Sur ce, je te parlais de potes, parce que normalement, ça aussi, ça calme le monde. Mais c'est une chanson qui sera bientôt plus d'actualité. Enfin, je me dis, c'est le temps de la passer ou jamais. Mon oncle Serge te chante Marie-Joana. Allez-moi ça, Chris! Après-midi au Square Berry, la police procède à l'arrestation d'un Squeegee. Il fouille dans ses poches, il lui prend ses menottes. Puis qu'est-ce qu'il trouve? Un demi-gramme de pot. La police confisque la matière dangereuse. Puis après leur chiffre, ils s'en vont aux danseuses. Dans le stationnement, avant d'entrer, ils se roulent un gros joint avec le pot confisqué en chantant marijuana, marijuana, marijuana. Non à la légalisation de la marijuana. Marijuana, marijuana, marijuana, marijuana. Ah yeah! Les peu avaient envie de stock gratis. Le squeeze se faisait arrêter par la police. Chaque semaine il se faisait pincer avec du cannabis. Le juge lui a donc donné la sentence la plus triste. Le laveur devait tirer à mention en prison. Le jeu, j'ai rempli mais un joyeux maison. Et le lendemain, ils sont bravés garder de nos valeurs. Partez en Thaïlande, on a fait des petites mineurs en chantant marijuana, marijuana, marijuana. Noël, la légalisation de la marijuana. Marijuana, marijuana, marijuana, marijuana. Oh yeah! Le squeegee homme d'or essayait de passer le temps. Il avait été résisté à descendre d'un cran. C'est quelque chose avec plus fort que la marijuana. Les quartiers lui vendaient pour arrondir leur fin de mois. Loser est mort d'overdose. Et pendant que le lavandeau est sur le pause, Ottawa envisage de rendre le pot légal. Oui, mais seulement à des fins médicales. Comprenons l'hésitation des morons d'Ottawa. Ils veulent pas faire de peine à leur job d'avario. Et comme c'est là le pot génère des milliers d'emplois, j'ai gardé de prison les juges et les avocats. Marijuana, marijuana, marijuana. Noël, la légalisation de la marijuana. Marijuana, marijuana, marijuana, marijuana. Oh yeah. Marijuana, marijuana, marijuana. No es la legalización de la marijuana. Marijuana, marijuana, marijuana, marijuana. Marijuana, marijuana, marijuana. No es la legalización de la marijuana. Marijuana, marijuana, marijuana, marijuana. Ah, c'était une émission bien chargée cette semaine à Critique de Crowd dans ce spécial Pop Montréal, parce que je voulais vous parler des louanges de Dave Chose, les passagers qui jouaient au ministère. Le ministère? Oui, nouvelle salle, tellement nouvelle qu'elle ouvre juste au mois de novembre, c'est pour vous dire. Mais je vous en reparle très, très, très bientôt. On va écouter les passagers et je vous dis surtout à la semaine prochaine. Bye bye! Le sol est si doux, il nous protège des vagues qui frappent nos genoux. Ma montre est arrêtée, mais je me laisse tourner dans l'air chaud du mois de mai. Ma tête est un bourgeon qui attendait le printemps depuis trop longtemps. Les lignes de ma main m'avaient montré le chemin, mais je ne voulais pas y croire. À Leto Brasserie, il y a toujours de la bonne musique. Mais jamais trop forte! Leto offre plusieurs bières brassées sur place ainsi qu'une sélection des meilleures bières et spiritueux du Québec. En plus, la pinte de bière maison est toujours à prix réduit avant 19h.